L'effet de serre, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'effet de serre? Bon, vous êtes calme, parfait. Donc en fait, la seule source d'énergie pour la planète Terre, c'est le Soleil, c'est le rayonnement qu'elle envoie. Ce rayonnement, c'est la lumière, c'est le rayonnement visible qui se décompose en différents spectres. Ce rayonnement, c'est également de l'énergie. Cette énergie est accumulée par la Terre, une partie d'entre elle est restituée en direction de l'espace. C'est un petit peu le schéma numéro 2. L'atmosphère que l'on respire n'est pas constituée uniquement d'oxygène et d'azote, mais également d'autres composantes, du dioxyde de carbone, entre autres, qui est l'un des gaz majeurs pour l'absorption, pour la rétention de ce rayonnement. Si l'on augmente certaines de ces quantités de gaz à effet de serre, une partie de ce rayonnement ne sera pas rediffusée vers l'espace. En toute logique, les gaz à effet de serre, nous en avons besoin. Olivier disait tout à l'heure que la température moyenne de la Terre est de l'ordre de 15 degrés. Sans ces gaz à effet de serre, la Terre rendrait davantage d'énergie à l'espace par rayonnement qu'elle n'en reçoit du Soleil, ce qui ferait une température moyenne de la Terre de l'ordre de moins 18 degrés, donc une vie totalement impossible. Grâce à la présence de ces gaz à effet de serre, la température moyenne de la Terre est de l'ordre de 15 degrés, donc la vie y est possible. Maintenant, on s'est aperçu également que l'homme augmente la quantité de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère, si bien qu'une partie de ce rayonnement, de cette chaleur qui est emmagasinée, n'est plus rediffusée dans l'espace, et nous observons une augmentation de la température moyenne de la Terre. Donc un tableau qui paraît peut-être un petit peu compliqué. Nous avons répertorié un petit peu les systèmes, les différents gaz, les différentes molécules présentes dans l'atmosphère et voir quel était leur impact sur l'émission de chaleur. Donc forcément, le plus gros gaz à effet de serre est le dioxyde de carbone. Nous en avons d'autres. Donc tout ce qui est en rouge apparaît d'une manière positive. Tout ce qui est en bleu a un effet inverse, c'est-à-dire qu'elle permet la rediffusion en direction de l'espace. Et on s'est aperçu, une fois le bilan établi, qui se calcule en watts par mètre carré, c'est une énergie, eh bien on se rend compte que l'impact humain, c'est la dernière colonne en bas à droite, apporte un effet positif à ce forçage. Donc concrètement, on conserve davantage d'énergie, donc la température théoriquement va augmenter au niveau de la Terre. Et c'est ce que l'on observe également.